C'est important que le cadre dans lequel j'explique la pauvreté et la destruction de la pauvreté, l'élimination de la pauvreté de la vie de l'homme, est un cadre qui est très vaste. Et il est à suggérer que les gens ne prennent pas au sérieux trop ce que je dis. Pour comprendre les mécanismes de la pauvreté et les lois de son élimination, il faut être extrêmement conscient. Et quand je parle de pauvreté, je ne parle pas nécessairement de la pauvreté radicale, mais je parle de cet état matériel qui empêche l'homme d'être créatif. Alors, ce que je vais élaborer aujourd'hui au niveau de la pauvreté ou possiblement au niveau de la société anonyme ou de ses structures éventuelles dans le monde, il est essentiel que les gens regardent ceci d'une façon très, très légère. Le temps est un grand facteur dans le développement d'une telle conscience sur le plan matériel. La pauvreté, c'est le résultat d'un état d'esprit. La pauvreté, c'est le résultat du manque d'intelligence dans l'homme. La pauvreté ou ce seuil qui empêche l'homme de bien canaliser son énergie créative est une condition de l'involution. La pauvreté est à la fois une condition imposée à l'homme et aussi une condition qui doit être détruite par l'homme. Tant que l'homme est sur le plan matériel et qu'il n'est pas suffisamment assis dans son intelligence, il subit la vie. Et dans un très grand nombre de cas, la vie peut être pénible. D'où la pauvreté qui est le résultat essentiel de la condition historique de l'homme vis-à-vis la famille, vis-à-vis le pays où il est né. Alors, la pauvreté est toujours une condition qui est directement liée à l'interprétation sociale du rôle humain en fonction de la condition de vie choisie par l'incarné avant le descente dans la matière. Autrement dit, il y a des êtres sur le globe qui sont pauvres à cause des conditions qui sont déjà prédestinées à être vécues. Ça, c'est un aspect de la pauvreté. C'est l'aspect karmique de la pauvreté, c'est l'aspect planétaire de la pauvreté. Mais cet aspect planétaire de la pauvreté est un aspect qui peut être dépassé par l'homme et qui doit être dépassé par l'homme. L'homme conscient ne peut pas être pauvre parce que l'intelligence créative est trop puissante pour que le résultat de son activité sur le plan matériel se limite à une condition de vie matérielle qui ne puisse suffire aux besoins de l'homme. Si l'homme est pauvre, c'est qu'il n'a pas suffisamment atteint un niveau de conscientisation. Ou s'il est riche mais inconscient, sa richesse peut lui être enlevée, comme ce sera le cas au cours des années qui viennent, dans le système économique ou dans la condition économique qui s'étend et qui se manifeste dans différentes nations, surtout les pays occidentaux. Autrement dit, un homme qui est riche, inconscient, ne peut pas être assuré de la richesse, de l'abondance, et un homme pauvre, inconscient, ne peut pas soulever en lui suffisamment de force, d'énergie pour détruire à jamais cette plaie de l'humanité. Quand je parle de pauvreté de l'homme, je parle de cette pauvreté qui est le résultat de l'incapacité créative de l'individu. La pauvreté qui m'intéresse, c'est celle-ci. Et la pauvreté qui est le résultat de l'incapacité créative de l'individu est foncièrement liée à son avenir. C'est-à-dire que l'individu qui se conscientise ou qui a un plan de vie à l'intérieur duquel se développera des forces supramentales, peut être ou vivre une certaine pauvreté pendant un nombre d'années pour ajuster ses corps, pour qu'il y ait en lui une certaine souffrance sur le plan émotionnel, sur le plan mental, pour faciliter la transmutation de ces principes subtils. Mais à un certain moment donné, l'homme, lorsqu'il commence à comprendre, lorsqu'il commence à savoir, lorsqu'il commence à vivre sa volonté, lorsqu'il commence à avoir une idée de la nature de l'intelligence, lorsqu'il commence à réaliser un peu les voies de l'intelligence, n'a plus de raison de demeurer pauvre. Mais pour que l'homme ne demeure plus pauvre, il doit s'organiser, c'est-à-dire qu'il doit réorganiser sa vie, non pas seulement en fonction de lui-même, mais en fonction d'autres hommes qui sont sur une longueur d'onde qui est parallèle à la sienne. Et dans le cas d'une société naissante, dans le cas d'une race naissante, dans le cas d'une nouvelle condition de vie sur le globe, il est essentiel que les lois de la pauvreté soient comprises. Et pour que ces lois soient comprises, il est essentiel que les hommes soient intelligents. Et pour que les hommes soient intelligents, il est essentiel que les hommes soient de plus en plus libres des impressions qui engendrent leur personnalité. Et lorsque les hommes auront été capables, lorsque les hommes auront suffisamment avancé dans le temps, lorsque les hommes auront suffisamment engendré en eux d'intelligence, de conscience, les hommes automatiquement s'organiseront à un niveau qui sera totalement créatif et totalement différent de la sorte d'organisation que nous connaissons sur le plan social, sur le plan économique, et ces hommes ne seront plus esclaves de la pauvreté. Mais il y a des lois fondamentales liées à la pauvreté et il y a des lois fondamentales liées à la destruction de la pauvreté. Pour qu'un homme cesse d'être pauvre sur le plan matériel, il faut d'abord qu'il soit intelligent. Deuxièmement, il faut, pour qu'il utilise son intelligence et qu'il l'applique, qu'il ait de la volonté. Troisièmement, il faut qu'il connaisse des hommes qui sont dans le même esprit que lui. Quatrièmement, il faut qu'il reconnaisse les hommes qui sont dans le même esprit que lui. Et je fais une parenthèse ici. Reconnaître des hommes qui sont dans le même esprit que soi, ce n'est pas facile. Parce que les hommes peuvent avoir ou peuvent donner l'impression d'être dans le même esprit que nous sommes, mais ne sont pas nécessairement dans ce même esprit. Un homme ne peut pas faire croire ou un homme ne peut pas donner l'impression qu'il est dans le même esprit qu'un autre homme simplement parce qu'il le dit. Pour qu'un homme soit dans le même esprit qu'un autre homme, il doit agir dans le même esprit que cet homme. Et si deux hommes peuvent agir dans le même esprit à ce moment-là, ils sont totalement harmonisés à une intelligence qui est commune et qui est originaire des plans qui sont supérieurs à l'astral et qui peuvent donner à l'homme sur le plan matériel une relation équitable entre lui et les autres hommes, pourvu que les conditions vibratoires soient totales et parfaitement équilibrées entre eux. La cinquième condition, c'est que pour que se forme sur le plan matériel, sur la Terre, une société anonyme, c'est-à-dire une société qui est consentante, c'est-à-dire une société qui voit la même chose, c'est-à-dire une société qui est dans la même énergie de l'intelligence, il est essentiel que le temps devienne le facteur qui élimine les problèmes de personnalité, permettant éventuellement à l'énergie d'aplanir les différences de personnalité pour que les individus puissent fonctionner éventuellement dans une relation vibratoire harmonieuse et intelligente qui leur bénéficie d'une façon totale et parfaite. Sixièmement, pour qu'une société anonyme crée des conditions de vie sur le plan matériel qui coïncident avec le développement de l'intelligence et la diffusion de l'intelligence dans le monde, il est essentiel que les hommes de cette société puissent reconquérir leur droit à la pensée libre, c'est-à-dire que ces hommes doivent être éventuellement capables d'être amenés à penser des pensées qui ne se sont jamais auparavant manifestées. L'homme ne peut plus, à la fin du 20e siècle, continuer à penser selon un mode de pensée qui convient à la cinquième race, parce que ce mode de pensée a déjà épuisé les possibilités de son évolution. Ce qui manque le plus aujourd'hui sur la Terre, ce sont des hommes qui puissent penser d'une façon libre, c'est-à-dire qui puissent penser d'une façon réelle, c'est-à-dire qui puissent créer des systèmes viables de nature matérielle qui permettront éventuellement à l'humanité de se libérer du joug du travail, du joug de la tension vibratoire et psychologique du travail, du joug de la tension psychologique de la responsabilité du travail, du joug de la tension psychologique de la valeur du travail pour ne faire que une manifestation créative qui devient du travail créatif et qui leur permet de canaliser leurs énergies. C'est ce que je veux dire quand je dis que les hommes demain ne doivent plus travailler. La pauvreté, c'est une plaie. La pauvreté, c'est une plaie parce que elle assume le rôle dans la société. Un rôle qui est terrible, elle assume le rôle de l'intelligence. La pauvreté dans la société humaine remplace l'intelligence. Ça vous donne une idée du pouvoir de la pauvreté, de l'impuissance aussi de la pauvreté, et aussi de l'impuissance de l'intelligence sur le plan matériel. La pauvreté remplace l'intelligence créative sur la Terre. Et tant que les hommes qui sont, ou qui vont vers la conscience supramentale, qui vont vers la conscience universelle, seront pauvres, ils seront assujettis au pouvoir de cette pauvreté. Et automatiquement, ils n'auront pas la capacité de manifester sur le plan matériel leur intelligence créative, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas se donner les limites qui leur conviennent pour en arriver éventuellement à sortir la condition humaine qui est entravée par la pauvreté pour créer une nouvelle condition de l'homme qui sera sujette au pouvoir de l'intelligence créative sur la Terre. La pauvreté, c'est un monstre que l'homme subit, que l'homme vit, que l'homme ressent, mais que l'homme ne reconnaît pas en tant que tel. Vous avez déjà souvent entendu les anciens dire, bon, on est né pour un petit pain, on reste avec notre petit pain. Et la pauvreté est une condition qui est créée de toutes pièces par l'astral. De même façon que la richesse inconsciente est une condition créée par l'astral. Mais ce n'est pas la richesse aujourd'hui qui m'intéresse, c'est la pauvreté. Et si la pauvreté est une condition créée par l'astral, il y a beaucoup d'aspects dans la pauvreté qui sont difficiles à reconnaître. Parce que encore le pouvoir de l'astral, le pouvoir spirituel sur l'homme est extrêmement puissant. Et nombreux sont ceux parmi vous qui ont déjà connu ou qui ont déjà réalisé dans leur vie la dichotomie, la dualité, l'incertitude entre le matériel et la révolution spirituelle. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'êtres parmi vous qui, à un certain moment donné de leur vie, se sont demandé si pour devenir conscient ou si pour devenir de plus en plus évolué, il ne fallait pas totalement mettre de côté le matériel. La vie vous prouvera que c'est une illusion. La pauvreté, c'est tellement dangereux pour l'homme que cette plaie ne peut pas permettre à un homme de parfaitement se conscientiser. Autrement dit, pour qu'un homme en arrive à se parfaitement conscientiser, il faut qu'il en arrive un jour à ne plus être pauvre. Autrement dit, pour être parfaitement conscient, on ne peut plus être pauvre. Autrement dit, si nous sommes, quel que soit, pauvres, nous ne pouvons pas être parfaitement conscients. Et la raison pour laquelle je dis ceci, c'est ceci. C'est que lorsque l'homme se conscientise, lorsqu'il devient créativement intelligent, la pauvreté s'élimine devant lui. C'est une loi créative de l'intelligence. Alors, s'il y a pauvreté dans l'homme, c'est que son intelligence n'est pas son maximum, c'est-à-dire qu'il y a en lui suffisamment de force astrale qui l'empêche, qui diminue sa volonté, diminue son intelligence, ou qui font en sorte que sa personnalité entrave les lois de l'évolution. Si je parle de la pauvreté, c'est pour faire reconnaître à l'homme que l'intelligence supramentale ou l'intelligence créative ou l'intelligence universelle est une force, est un pouvoir. Ce n'est pas simplement une attitude. C'est un pouvoir. Et ce pouvoir est proportionnel à la dilution chez l'homme des facteurs de personnalité qui empêchent à cette force de se manifester. Il ne s'agit pas sur le plan matériel pour l'homme d'être simplement riche ou simplement pauvre, ou ne pas être pauvre ou être plus riche. Il s'agit pour l'homme sur le plan matériel d'être capable de canaliser l'énergie de son intelligence pour que l'énergie matérielle puisse se manifester à un rythme tellement vaste, tellement rapide, tellement grand, que ceux qui font partie de cette énergie puissent se servir de cette énergie pour engendrer encore plus d'énergie dans le monde. La fonction de la monnaie dans le monde, la fonction de la monnaie sur une planète est très simple. La fonction de la monnaie sur une planète, ce n'est pas de s'enrichir. La fonction de la monnaie sur une planète, c'est d'engendrer de l'énergie. Dans le phénomène d'énergisation d'une civilisation, se canalise, se forme les différentes avenues pour la manifestation créative des individus, ce qui leur permet de vivre bien, d'être heureux, d'être créatifs et d'être en harmonie vibratoire sur le plan matériel comme ils le sont sur le plan mental. Mais les hommes, lorsque les hommes pensent monnaie, les hommes pensent profit. Et dans l'avenir de la sixième race, le concept de profit n'existera pas. Parce que lorsque nous pensons profit, nous pensons automatiquement profiter. Et lorsque nous pensons profiter, nous profitons de qui? Nous profitons de l'homme. L'homme ne peut pas se permettre de profiter de l'homme. Si l'homme profite de l'homme, il tue l'homme. Il le rend infirme. Il lui enlève son énergie créative. Il le rend pauvre. De sorte que les riches de la terre aujourd'hui rendent les hommes pauvres parce qu'ils tuent en lui les capacités d'échange. Ils tuent en lui la capacité, leur capacité de rayonner dans le monde à la hauteur de leur évolution, à la hauteur de leur intelligence. Autrement dit, la richesse mondiale aujourd'hui, elle est meurtrière. Elle est devenue meurtrière. Et la richesse mondiale aujourd'hui, dans sa manifestation la plus globale, qui est la mort, par le biais de la guerre, est devenue le sceau de la fin de notre civilisation. Un homme ne peut pas penser monnaie et penser profit. Lorsqu'un homme pense monnaie, il doit penser intelligence. Et lorsque l'homme sera habitué à penser monnaie en termes d'intelligence, l'homme aura compris le rôle de la monnaie. Et lorsqu'il aura compris le rôle de la monnaie, il aura compris le rôle de l'intelligence dans la monnaie. Et lorsqu'il a réalisé le rôle de l'intelligence dans la monnaie, il aura créé les fondations d'une nouvelle civilisation. Et lorsqu'il aura compris le rôle de l'intelligence dans la monnaie, il ne pourra plus être pauvre parce que l'intelligence dirigera la monnaie, ce ne sera plus la personnalité de l'homme. Et lorsque l'intelligence dirigera la monnaie de l'homme sera sûre, elle sera certaine et elle ne pourra plus être déséquilibrée par les personnalités richissimes qui domine et qui gère le monde économique et politique. La constitution sur la Terre d'une société anonyme se fera. Ce phénomène ne peut pas être arrêté parce que ce phénomène est la continuation dans la matière de l'organisation intelligente des forces de l'évolution. Mais la constitution d'une société anonyme ne sera jamais, et je dis jamais, altérer, changer, accélérer, diminuer par la personnalité de l'homme. Les hommes qui feront partie de la société anonyme seront des hommes qui ne comprendront plus le rôle psychologique de la monnaie. Ils ne comprendront que le rôle intelligent de la monnaie. Et ces hommes ne seront plus pauvres parce qu'ils seront dans l'intelligence de la monnaie et comprendront le pouvoir de l'intelligence sur la monnaie. Et lorsqu'ils auront compris le pouvoir de l'intelligence sur la monnaie, ces hommes ne travailleront plus, ils feront travailler la monnaie. Et eux s'occuperont d'autre chose. La fonction de la monnaie sur une planète est d'organiser suffisamment les hommes pour qu'eux puissent être libres à faire autre chose, c'est-à-dire à faire des choses du domaine de l'esprit, pour qu'éventuellement la monnaie soit suffisamment altérée par la conscience de l'intelligence de l'esprit pour que demain il n'y ait plus sur la Terre de monnaie, qu'il y ait simplement d'échanges. Et ceci viendra au cours des siècles. Un jour, la monnaie disparaîtra de la surface de la Terre. Mais avant que la monnaie disparaisse de la surface de la Terre, les hommes doivent apprendre à manipuler la monnaie. Et c'est très important parce que ça fait partie de l'étude de l'intelligence sur le plan matériel. Et les hommes ne sont pas habitués à manipuler la monnaie. Et beaucoup d'hommes manipulent la monnaie et ont l'impression qu'ils savent manipuler la monnaie et ne la manipulent pas bien, la monnaie. Ils la manipulent encore avec leur ego. Et tant que les hommes manipuleront la monnaie avec leur ego, la monnaie dont ils se serviront, même s'ils se servent de cette monnaie avec de bonnes intentions, en fonction du mouvement vers la société anonyme, cette monnaie sera rejetée. Dans la société anonyme, la monnaie ne sera jamais manipulée par les personnalités. Elle sera toujours manipulée par l'intelligence. La société anonyme est un phénomène mondial, est un phénomène planétaire, est un phénomène qui durera pendant des siècles. Et les hommes ne pourront jamais altérer sa face, son visage, et ne jamais mettre dans ses coffres des sous qui ne reluisent pas de l'intelligence. La société anonyme est un phénomène occulte, c'est-à-dire un phénomène voilé, c'est-à-dire un phénomène qui est caché à la conscience de l'homme. C'est un phénomène qui fera partie de la conscience de l'homme, mais qui sera toujours caché à la conscience psychologique de l'homme. Les hommes ne pourront jamais comprendre les mécanismes de la société anonyme, parce que les mécanismes de la société anonyme font partie des secrets de l'intelligence. De sorte que la société anonyme ne sera jamais une société secrète. Ce sera une société anonyme, c'est-à-dire une société qui n'est pas compréhensible dans ses mécanismes internes, parce que les mécanismes internes de la société anonyme seront totalement et parfaitement et constamment renouer, redéfinir, relancer dans le monde planétaire de l'humanité. La société anonyme n'appartient pas à l'homme, elle appartient à l'intelligence. L'homme n'en est que le bénéficiaire sur le plan matériel. La société anonyme sera un phénomène qui permettra à l'intelligence de se rapprocher de plus en plus des nations. Qui permettra à l'intelligence de se rapprocher de plus en plus des individus dans les nations. Et au cours des siècles, ce phénomène se fera petit à petit. Mais au début de la formation de la société anonyme, les hommes qui s'avanceront vers cette formation, qui s'avanceront vers cette intelligence, qui entreront dans cette conscience, apprendront deux choses fondamentales. C'est que l'homme ne peut pas travailler avec de la monnaie et de l'intelligence en même temps, en essayant de recouvrir la monnaie par le mécanisme du profit. Ces hommes apprendront que dans le développement de l'intelligence supramentale et sa relation avec la monnaie, il y a un facteur de temps extrêmement important. Et le facteur de temps est important pour cette raison, c'est que le temps tue dans l'homme l'esprit de la convoitise. Le temps tue dans l'homme l'astralité. Le temps tue dans l'homme tout ce qui est planétaire. Le temps tue dans l'homme toutes les influences planétaires. Le temps, c'est le grand nettoyeur. Le temps, c'est la chose, c'est la force qui empêche l'homme d'être prisonnier de lui-même et automatiquement de rendre la monnaie ce qu'elle était dans le passé, c'est-à-dire une convoitise, un pouvoir de la conscience astrale à travers l'homme. Ce n'est pas la monnaie qui est sale, c'est l'homme qui est crotté. Et lorsque les hommes auront compris la fonction de l'intelligence à l'intérieur de la monnaie, les hommes auront déjà le pied dans un état de vie, dans une condition de vie, dans une mesure de vie qui défie l'imagination des plus grands matérialistes. C'est à partir de ce moment-là que l'homme commencera à pouvoir, sur le plan matériel, vivre sa vie comme il a toujours rêvé, ou comme il a toujours voulu, ou comme il a toujours pensé quand il est petit garçon. L'homme ne peut pas vivre de vie. L'homme ne peut pas vivre à travailler et à créer. L'homme doit seulement créer. Mais pour qu'il crée, il ne peut pas diviser ses énergies. On ne peut pas diviser nos énergies quand on crée. Quand on crée, on concentre toutes nos énergies sur un point. Et c'est la concentration de nos énergies sur ce point qui permet la créativité, de sorte que l'homme ne peut pas perdre d'énergie à penser si ses affaires vont marcher ou si ses affaires ne marcheront pas. Lorsque l'homme dans la société anonyme fondera des centres d'affaires, lorsque l'homme dans la société anonyme organisera la finance selon son intelligence, il sera obligé de savoir que le mouvement de l'intelligence à travers sa monnaie est un mouvement qui ne peut pas être remplacé par un autre mouvement. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui ne peut pas être détruit ou ralenti. La descente de l'intelligence dans la monnaie doit créer des conditions de vie matérielles qui sont 100% sûres pour l'homme pour que lui puisse 100% se libérer de la condition psychologique de la monnaie qu'elle a imposée sur son état mental et émotionnel pendant des années. Les hommes ne sont pas prêts à comprendre le rôle de la monnaie. Les hommes ne sont pas prêts à comprendre la fonction de l'intelligence sur la monnaie. Parce que les hommes ont encore beaucoup trop de mémoire. Et la mémoire qu'ils ont de la monnaie est une mémoire qui ne leur permet pas de réaliser l'intelligence en eux et l'utilisation de cette intelligence pour la glorification de la monnaie. La monnaie sur la terre un jour doit être glorifiée. C'est-à-dire que la monnaie sur la terre un jour doit être rendue glorieuse, c'est-à-dire qu'elle doit être rendue à sa couleur pure, sa couleur originale, qui symboliquement sur le globe est représentée par le métal précieux de l'or. Tant que les hommes seront sur le plan matériel, tant que les hommes n'auront pas constitué un gouvernement universel sur la terre, il sera essentiel pour l'homme de trafiquer en fonction de certaines valeurs marchandes. Et ces valeurs marchandes seront nécessaires, mais elles seront et devront être déterminées par l'intelligence au lieu de la fonction socio-économique et politique de cette valeur-là. La pauvreté sur la Terre est un grand signe de l'aliénation de l'homme contre le cosmos. Elle est un grand signe de l'appauvrissement continu des civilisations. Elle est un grand signe de l'incapacité de l'homme de réaliser le rôle important de la monnaie. Effectivement, l'homme réalise le rôle important de la monnaie de son point de vue à lui, mais l'homme ne réalise pas le rôle important de la monnaie vu du point de vue de l'intelligence créative, de la fonction de l'intelligence créative à travers le système humain. Parce que l'homme ne réalise pas que la Terre doit être dirigée par l'intelligence et non par les appétits astralisés de l'humanité en fonction des intelligences qui sont sur le plan astral. La conscientisation de l'homme et la conscientisation de la monnaie sera deux forces majeures dans la concrétisation, dans le développement de la société anonyme. Et la société anonyme sera tellement puissante que son pouvoir sera lié au fait qu'elle sera totalement sans apparence et qu'elle n'aura aucun ancre dans le système économique qui existe aujourd'hui. La société anonyme sera fondée sur le principe de l'intelligence et aucun autre principe. Les lois matérielles de l'économie, les lois matérielles de la politique de l'économie seront des lois qui seront simplement des cadres à l'intérieur duquel cette monnaie pourra être établie en mouvement afin que les lois de l'homme, les lois de la civilisation qui ont été établies par l'homme puissent être maintenues dans leur forme présente. Mais ce ne sont pas les lois de l'homme qui empêcheront à l'énergie de l'intelligence de faire exploser la valeur intransigeante de la monnaie. Et la monnaie possède une valeur intransigeante. La valeur intransigeante de la monnaie est celle-ci, c'est que lorsque la monnaie est liée ou alliée avec de l'intelligence, elle perce les nations, elle perce les frontières et elle perce à travers le mur des personnalités et elle engendre ce que les hommes de cette note, de cette conscience, ont de besoin pour vivre sur le plan matériel en fonction d'une harmonie qui leur est propre. Mais pour que l'homme en arrive à fonctionner au niveau d'une société anonyme, il faut qu'il en arrive éventuellement un jour à ne plus poser de gestes qui coïncident avec l'ancienne civilisation. Et quand je dis que l'homme ne doit en arriver un jour à ne plus poser de gestes avec l'ancienne civilisation, je dis ceci. Je dis que l'homme, un jour, que l'homme qui a de l'argent ou l'homme qui a une entreprise, un jour puisse réaliser par sa propre intelligence, par sa propre énergie, que cette entreprise, que cette énergie qui est à sa disposition ne peut plus servir ses profits personnels. Elle ne peut servir que ses profits intelligents. Il y a une différence extraordinaire entre les profits intelligents de l'homme et les profits personnels de l'homme. Un homme qui a des profits personnels garde les profits pour lui. Un homme qui a des profits intelligents fait exécuter constamment l'énergie de ses profits pour que l'énergie de ses profits grandisse, pour que lui en bénéficie de plus en plus à l'échelle de l'intelligence et non à l'échelle de son intellect. Ce que les économistes ont rêvé depuis des siècles, je l'explique aujourd'hui. Ce que les économistes ont rêvé et n'ont jamais pu appliquer, je l'explique aujourd'hui. Ce que les économistes et les politiciens ont toujours voulu faire, rendre possible dans le monde. Je l'explique aujourd'hui. Je vous donne un exemple de certains mots qui sont la plaie de l'homme, le système d'héritage. Une société ne peut pas se permettre de transmettre constamment à ses fils les héritages des parents. Parce que les fils n'ont pas l'intelligence créative pour manipuler l'héritage, ils vont gaspiller cet héritage, éventuellement. Et regardez les grandes familles de 200-300 ans aujourd'hui. Ces grandes familles ont perdu le caractère aristocrate de la fondation. Et aujourd'hui, les jeunes, les enfants font partie du jet-set. Et laissez-moi vous dire que dans le jet-set, il n'y a pas beaucoup d'intelligence créative. Les héritages de l'humanité, un jour, devront être totalement liquidés. Et ils le seront par des forces qui seront établies sur le globe. Ce sont des choses qui, pour le moment, je ne peux pas expliquer. Mais le système d'héritage devra être totalement être éliminé de la surface de la Terre. Et il y aura des conditions permettant à une famille de transférer ses biens à l'enfant, mais pour une période d'années limitée à 49 années. Et après 49 années, l'enfant aura pris ce qui viendra de l'héritage, l'aura fait fructifier et le reste retournera à l'État. Ce n'est pas combien d'argent un homme possède ou dispose qui compte dans la vie, c'est combien d'intelligence il a pour la faire fructifier. Et si un homme a de l'intelligence pour faire fructifier de l'argent ou faire fructifier quoi que ce soit, aussitôt qu'il a un montant qui lui est libre, c'est-à-dire qui lui est donné en fonction de cette créativité, il fera grandir, il fera fructifier ce montant, que ce soit 100 000 $ ou 50 000 $ ou 10 000 $. Lorsqu'il aura payé son logement, ces choses, lorsqu'il aura un petit compte en banque, il pourra faire fructifier ceci, s'il a l'intelligence créative. Parce que l'intelligence créative, c'est une force qui n'appartient pas à l'homme, c'est une force qui passe dans l'homme et qui le fait exploser sur la scène. C'est une force qui rend l'homme plus relatif à d'autres hommes, mais de la même intelligence. Nous sommes tellement habitués à vivre aux dépens de l'homme que lorsque l'homme aura réalisé l'extraordinaire puissance de l'intelligence créative et qu'il réalisera qu'il ne vit plus aux dépens de l'homme, mais qu'il vit en relation avec l'intelligence créative, l'homme s'apercevra que la pauvreté n'existe plus dans sa vie. Si la pauvreté existe dans le monde de l'homme, c'est que l'homme vit aux dépens de l'homme. Mais pour que l'homme cesse de vivre aux dépens de l'homme, il faut qu'il puisse créer, engendrer des pensées qui ne font pas partie de la mémoire de l'humanité. Et dès qu'un homme crée des pensées qui engendrent ou qui font partie de la mémoire de l'humanité, il s'assujettit à la mémoire de l'homme et automatiquement il devient esclave de l'homme. C'est pourquoi la pauvreté sur la terre existe. Et ce n'est pas facile pour l'ego d'engendrer des pensées qui n'appartiennent pas à la mémoire de l'humanité parce que l'ego se sent insécure lorsqu'il crée des pensées qui ne sont pas réalisables aujourd'hui ou qui ne sont pas parlables avec quelqu'un. Lorsque l'ego ne peut pas compter son idée ou sa conscience de l'intelligence de l'économie avec un banquier, il se sent mal à l'aise. Parce que le banquier va lui dire, bon ben, descends un peu sur la terre, bonhomme. Alors l'ego aussitôt met de côté ses idées créatives, hein. Et les hommes qui formeront la société anonyme sur le plan économique seront des hommes qui devront avoir une force d'intelligence très grande. Et cette force d'intelligence sera la manifestation de leur personne. Et cette manifestation ne pourra pas être truquée. C'est-à-dire qu'un homme, même s'il est riche, ne pourra pas appartenir à la société anonyme parce qu'il est riche. Un homme ne peut pas mettre dans la société anonyme des fonds parce qu'il veut appartenir à la société anonyme. Ça ne fonctionne pas comme ça. La société anonyme n'appartient pas à l'homme. C'est la force de l'intelligence à travers le système humain. C'est l'intelligence qui est le facteur de fond. C'est l'intelligence qui est la fondation même de cette société anonyme. Remarquez que je vous parle pour des années d'avance. Ne vous faites pas piéger par ce que je dis. pour être capable de parler de monnaie. Sans vibrer. Il faut être conscient. Si nous parlons de monnaie et que nous vibrons, il y a en nous de l'émotivité, il y a en nous de l'astralité, il y a en nous du profit ou du gain, ou de la perte. Et là où il y aura de la perte ou du profit dans l'esprit de l'homme, il y aura de l'astralité, et cet homme ne peut pas vivre de la conscience créative sur le plan de la monnaie à l'intérieur d'une société anonyme. Et la raison pour laquelle la société anonyme sera formée, devra être formée, c'est parce que, dans les années qui viendront, les hommes de la sixième race auront besoin de comptoirs sur la planète. Et quand je dis de comptoirs, je dis de ces endroits, de ces endroits, de ces lieux, où ces hommes seront totalement libres d'exercer, selon leurs prérogatives, l'activité qu'ils veulent, en fonction des conditions exigées par la conscience créative à l'intérieur de cette société anonyme. Il est difficile aujourd'hui pour l'homme de s'imaginer qu'il puisse vivre un jour, dans 15 ans ou dans 20 ans, dans un comptoir en Australie, ou dans un comptoir au Pérou, ou dans un comptoir à un certain endroit éloigné des planètes. Mais je vous assure que demain, ceux qui feront partie de la société anonyme ne seront pas nécessairement ce qu'on appelle aujourd'hui des nationaux. Mais c'est l'intelligence en eux, c'est l'énergisation de leur personnalité, c'est la descente de l'intelligence et du plan de vie de leur destinée qui leur fera réaliser ceci. Ce n'est pas leur désir personnel égocentrique. N'appartient pas à la société anonyme qui veut, n'appartient pas à la société anonyme qui veut. Appartient à la société anonyme celui qui sera dans l'énergie. Et cette énergie ferait son chemin dans son temps et l'homme ne peut rien contre elle. Ou pour elle, ou envers elle. L'homme n'est pas libre de devenir conscient. La conscientisation, ça fait partie de l'évolution de l'ego. Ça fait partie du pouvoir de l'esprit dans l'homme. Ça ne fait pas partie du désir de l'homme. Je vais vous expliquer par dépersonnalisation un peu le plan. Pour vous faire comprendre la profondeur de la psychologie de la société anonyme, vue du point de vue de l'intelligence et non filtrée par la personne humaine. Nous vous disons le bonjour et nous vous avertissons que ce que nous appelons la société anonyme est à la fois une condition de vie, un état d'intelligence et un pouvoir sur la matière. La société anonyme que nous convoitons pour l'humanité est une réorganisation totale des structures sociales de l'homme afin de créer au 21e siècle les bases de ce que vous pouvez appeler aujourd'hui un gouvernement mondial. La société anonyme ne sera jamais créée, organisée par l'homme. Elle sera organisée par nous et l'homme sera le canal. Et ce canal sera capable d'obéir parfaitement aux impressions que nous créerons dans son mental afin de créer sur le plan matériel de votre planète des conditions suffisamment stables, suffisamment permanentes, pour que les fils de la lumière qui viendront au cours des siècles n'aient plus à travailler. nous abhorrons le travail. Le travail n'a pas été institué sur votre globe par nous. Le travail a été institué sur votre globe par des forces qui font partie de vous, qui font partie de votre nature animale. Mais nous devons élever votre nature animale. Et nous élèverons cette nature animale en détruisant en vous la faculté de penser et la mémoire, et l'émotivité liée à votre mémoire, afin qu'un jour, nous puissions entrer en communication avec vous et vous permettre de rétablir sur le globe l'initiation de la première voie, qui est l'initiation de la pensée cosmique que nous avons créée au début des temps pour la manifestation dans votre système solaire d'une humanité. L'humanité qui existe sur votre globe aujourd'hui n'est pas la manifestation de notre puissance. Ce que nous avons fait pour l'élévation, pour la continuité de la forme humaine, nous l'avons fait en vertu de certains pouvoirs que nous exerçons sur la tombe. Mais les pouvoirs que nous exerçons sur la tombe, nous les avons perdus parce que l'homme, à un certain moment dans le passé, a été amené à être rendu, donné, prêté le libre arbitre. Et les intelligences qui vous ont donné le libre arbitre ont fait pour vous, pour les hommes, ce qu'elles devaient faire. Mais non pas dans l'intelligence que nous avions de l'homme, mais dans l'intelligence que ces intelligences avaient pour sa forme. Mais les siècles passent, les millénaires passent, et nous regardons, et nous avons regardé, sans pouvoir changer la nature de l'homme. Nous avons maintenu le silence dans l'esprit de l'homme. Nous nous sommes empêchés de descendre dans le mental de l'homme afin que l'homme devienne, au 20e siècle, ce qu'il est devenu, c'est-à-dire un véhicule suffisamment évolué, mais totalement ignorant, mais suffisamment évolué pour comprendre que dans les siècles ou les siècles qui viennent, nous devons descendre dans la matière de l'homme parce que nous sommes les premiers conquérants de la tombe. Ce ne sont pas les intelligences de vos esprits qui ont conquis la tombe. Ce ne sont pas les intelligences qui déplacent dans votre cerveau et dans votre cœur et sur votre plan vital les énergies qui ont conquis la tombe. La tombe a été conquise par des forces